dans ta gorge, il souffle entre tes os. Tu n'as plus besoin de voir, tu n'as plus besoin de fuir, tu es pierre, tu es poussière. Respire comme la dune, il vibre avec le silence, il devient la chaleur elle-même. Chaque grain de sable est un souvenir, chaque souffle est une prière. Tu n'es pas seul, tu es mille générations. Le ver d'or dans ta cage thoracique, il se retourne dans ton ventre. Il écoute ton esprit et il attend que tu l'acceptes. N'aie pas peur de toi-même, le vide ne tue pas. Il est clair, il ouvre et reverse qu'il ne parle pas. Il pense à travers le sable, il danse avec les mirages, il devient onde. Le chant du sable est lent, il ne suit pas ton rythme. C'est à toi de te taire et d'apprendre à l'entendre. Inspire, expire, fais-le encore jusqu'à sentir que le temps cesse. Tu es toujours là, mais tu n'es plus vraiment là. Ta mémoire flotte, tes limites se craquent. Le vent passe à travers toi, il emporte tes colères, il dissout tes certitudes, il laisse l'essentiel, ta force. Reader's Kill voit les ombres, il voit les échecs, les fautes, les douleurs, et il les laisse brûler dans la chaleur sans s'y aller.